Jeunesse de César. Il est proscrit par Sylla. César avait 16 ans lorsqu'il perdit son père. L'année suivante, il fut désigné Flamine de Jupiter. Et quoiqu'on l'eût fiancé, dès son enfance à Cossutua, d'une simple famille équestre mais fort riche, il la répudia pour épouser Cornélie, fille de Cinna, lequel avait été 4 fois consul. Il en eut bientôt une fille, nommée Julie. Le dictateur Sylla voulut le contraindre à la répudier, et ne pouvant y réussir par aucun moyen, le priva du sacerdoce, de la dot de sa femme, de quelques successions de famille. Il le regarda dès lors comme son ennemi. César fut même réduit à se cacher, et quoique atteint de la fièvre carte, à changer presque toutes les nuits de retraite et à se racheter à prix d'argent des mains de ceux qui le poursuivaient. Il fallut que les Vestales et Mamersus, Amelius avec Aurelius Cotta, ses parents et ses alliés se réunissent pour obtenir son pardon. Il est bien établi que Sylla le refusa longtemps aux prières de ses meilleurs amis et des hommes les plus éminents, et que, vaincu par leur persévérance, il s'écria par une inspiration divine, ou par un secret pressentiment de l'avenir, « Eh bien, vous l'emportez, soyez satisfait. Mais sachez que celui dont la vie vous est si chère écrasera un jour le parti de la noblesse que nous avons défendu ensemble, car il y a dans César plus d'un Marius. »